Jessica Leb au micro de CKRL 89.1 pour, ça y est, vous accompagner dans ces deux prochaines heures, puisqu'on est ensemble jusqu'à 17h30 dans Stéréo Local sur les ondes de CKRL 89.1. Alors aujourd'hui, on va parler d'un spectacle qui se tiendra demain au Théâtre Petit Champlain, Tout Sauf Bieber, présenté par les étudiants du Cégep de Sainte-Foy. Ils ont quand même cette grande chance de monter sur la scène du Théâtre Petit Champlain sous la direction artistique de William Sevigny. Donc vous l'aurez compris, tout est dans le titre, hein. Ils chanteront Tout Sauf Justin Bieber. Alors on va partir à la rencontre de ce programme et de deux étudiants qui participeront au spectacle demain soir, donc dès 19h30 au Théâtre Petit Champlain. Grease sera présenté cet été, l'adaptation donc en français de cette grande comédie musicale qu'on connaît tous d'abord avec le film et peut-être pour les plus chanceux à Broadway. Alors il va y avoir 24 représentations à la salle Albert Rousseau à partir du 28 juin prochain, donc ça s'installe pour tout l'été puisque la troupe sera là jusqu'au 24 juillet. On recevra Annie Villeneuve et Jason Roy l'éveillé pour nous parler de ce beau spectacle dont on ne se lasse pas, je pense, quelle que soit la génération. Et en plus, c'est présenté tout en français. Donc ça va valoir la peine de redécouvrir ça. Tania Bonnemont viendra nous parler, enfin, de retour pour sa chronique Apprenti Foodie. Je sais que ce matin, elle a eu une visite à la Barberie pour visiter les installations, la nouvelle installation, en fait la réouverture de la salle de brassage de la microbrasserie. Alors, elle viendra nous en parler parce que c'est un investissement très très important pour la Barberie. Raymond Poirier viendra avec un invité pour nous parler d'une conférence « Les enjeux éthiques de la ville intelligente » qui sera présentée un peu plus tard cette semaine. Et on terminera l'émission avec nos chroniqueurs qui sont sortis dans les théâtres, dans les salles de spectacle en fin de semaine pour vous en parler. On parlera notamment des nuits psychédéliques et de « Qui a peur de Virginia Woolf ?» présentée à l'aborder. Mais comme chaque lundi, on commence l'émission avec les actualités régionales de Fermont. C'est Carl Gagné-Côté qui est avec nous. Bonjour Carl. Salut Jessica. Comment ça va? Écoute, ça va bien. J'ai pas eu la chance de débuter ma semaine avec une visite d'une microbrasserie comme Tania Beaumont, mais ça va quand même très très bien. Bon, il y aura quand même des sujets intéressants pour Fermont, c'est sûr. Mais côté météo, on a envie de savoir aussi, bon, tu nous dis, pour vous, ça sera adouci quand même plus tard dans l'année par rapport à Québec, mais où en êtes-vous? Ouais, on en est où? On est encore dans la neige et dans le froid, mais c'est de moins en moins pire. Au printemps, chez nous, il fait super beau. C'est juste qu'il continue de faire moins 10, moins 12, mais on a quand même du beau soleil. Ça fond. C'est surprenant chez nous, même s'il fait moins 10, ça fond quand même. Le soleil est très fort. C'est juste que la nuit, ça regèle, puis de temps en temps, on a un petit peu de neige. Fait que je te dirais qu'on est peut-être un petit peu en retard sur ce que je vois habituellement. Rendu à cette date-ci, on voit des bouts de gazon, généralement. Mais là, on n'a rien de ça. On a encore pas mal de neige. Vite fait comme ça, on annonce encore pas loin d'une trentaine de centimètres de neige à la fin de la semaine. Je te dirais qu'on commence à avoir hâte de s'en sortir. C'est certain. À l'inverse, ceux qui veulent prolonger l'hiver, ça vous allez. Donc, voilà. Oui, tout à fait. On a encore de la motoneige à faire en masse. J'imagine. On a des nouvelles de champions et la mine du lac Bloom. Oui, tout à fait. On a eu des nouvelles la semaine dernière de champions qui a annoncé avoir réussi à compléter une partie, à tout le moins, de son montage financier, notamment le montage financier d'une trentaine de millions de dollars qui était nécessaire pour le maintien et le développement du site au cours des 18 à 24 prochains mois. Donc, Champion, qui est officiellement propriétaire du site et de la mine du lac Bloom depuis le début du mois d'avril, tous les papiers sont signés, ça leur appartient. Eux, ce qu'ils veulent faire, c'est maintenir le site, développer le site pendant les prochains 18 à 24 mois. On ne parle pas de repartir la production immédiatement. Ça irait plus à dans un an et demi, deux ans pour repartir la production. Mais là, on était en mesure de monter, compléter le montage financier d'une trentaine de millions de dollars pour tous les travaux qui vont venir finalement pendant ces mois-là. Le temps de tout bien préparer la mine pour éventuellement repartir la production. On est allé chercher ces sous-là auprès de différents investisseurs, mais il y a le gouvernement du Québec également, qui est un grand partenaire, le gouvernement du Québec qui a injecté au total 20 millions de dollars dans le projet, 14 millions qui ont été investis via le fonds capital mine hydrocarbures. Donc, on a investi 14 millions de dollars dans la nouvelle entité qui a été créée, qui s'appelle Minerai de fer Québec, qui devient un peu une filiale de Champion, qui va opérer la mine du lac Bloom. Donc, le gouvernement du Québec qui devient propriétaire à hauteur de 36,8% de cette nouvelle entité-là, partenaire, seul autre partenaire avec Champion. Et puis, il y a 6 millions aussi qui ont été consentis via un prêt à la compagnie Champion pour compléter son montage financier avec ses autres investisseurs. Donc ça, c'est un prêt qui est remboursable. Donc il y a un investissement et il y a un prêt également pour opérer la mine du lac Bloom. Comme je l'ai mentionné, ça va prendre encore là d'un an et demi à deux ans avant qu'on puisse opérer le tout. Et puis on a également le vice-président de l'ingénierie et vice-président de l'ingénierie chez Champion, M. David Cataford, qui a mentionné justement là, que les priorités étaient le maintien du site, le développement du site, l'intégration également des employés. Il y a des employés de Cliffs qui étaient toujours à l'emploi à la mine du lac Bloom pour maintenir le site en opération, mais pour maintenir le site finalement, qu'on n'a pas besoin de faire une fermeture complète. Ces employés-là vont être intégrés à la nouvelle entité, à la nouvelle compagnie. Éventuellement, bien sûr, là, dans plusieurs mois, on va commencer à voir les options pour le redémarrage. On veut évaluer différentes options, différentes façons de faire peut-être également pour réduire les coûts de production à la mine du lac Bloom. Donc, des nouvelles intéressantes, des nouvelles encourageantes, surtout pour les gens qui avaient perdu leur emploi l'hiver dernier du côté de la mine de Cliffs. Éventuellement, un redémarrage de cette mine-là pourrait voir plusieurs de ces travailleurs-là revenir au boulot. Donc, c'est certain qu'on attend ces nouvelles-là avec impatience. Mais oui, au moins, c'est des bonnes nouvelles pour les investissements qui seront faits. Un acheteur potentiel, sinon, alors pour la mine, je ne suis pas sûre de la prononciation, Scully? Oui, exactement. La mine Scully à Wabush, qui est une mine qui appartenait également à Cliffs Natural Resources, la compagnie qui a fermé la mine de fer au lac Bloom et qui l'a revendue finalement à Champion. Donc là, c'est la mine Scully à Wabush. On en avait déjà parlé ensemble cet hiver. Il y avait eu une manifestation à Wabush. Les citoyens de la ville et les dirigeants de la ville qui manifestaient contre le démantèlement du site. Alors, Cliffs qui voulait vendre le site à une compagnie qui allait démanteler la mine. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y aurait pas eu aucune option de repartir la production, puisque la mine aurait été démantelée, aurait été amenée ailleurs. Donc là, on a eu une offre d'achat d'une entreprise américaine qui, elle, veut opérer la mine à Wabush. Alors ça, c'est une bonne nouvelle pour la région. C'était 400 travailleurs qui avaient perdu leur emploi. Il y a pratiquement plus personne à Wabush qui a un boulot. Alors c'est certain que si une compagnie peut racheter cette mine-là, repartir la production aussitôt que l'an prochain, ça pourrait vraiment être une nouvelle vraiment très, très positive pour Wabush, pour Labrador-Ouest, qui inclut le Labrador City et Wabush, et pour la région du Fer également, là, notre région à nous, là, Fermont, Labrador City et Wabush, de voir cette mine-là repartir, si jamais la mine du lac Bloom repart également prochainement. Ce sont des nouvelles qui sont très, très, très positives. Pour l'emploi aussi, comme tu l'as mentionné, effectivement. Oui, beaucoup. On parle d'une fusion touristique sur la Côte-Nord, quelle est-elle? Oui, en fait, ce sont les deux organisations touristiques de la Côte-Nord qui vont joindre leurs forces, qui vont modifier un peu leur structure administrative. Donc, c'est le conseil d'administration de Tourisme Côte-Nord Duplessis et Tourisme Côte-Nord Manicouagan. Tout ça a fusionné et on va avoir une seule direction générale pour l'ensemble, si on veut, du tourisme sur la Côte-Nord. C'est quelque chose qui était inévitable selon différents acteurs du milieu, étant donné que depuis quelques temps, on faisait beaucoup de promotions conjointes ailleurs au Québec. On faisait la promotion de la Côte-Nord, mais c'est pour les gens, c'est difficile. Là, mettons qu'on disait que la Côte-Nord est divisée en deux régions. C'est un peu difficile à comprendre, Plessis-Manicouagan. Donc maintenant, on va vraiment mettre les efforts sur la Côte-Nord en entier. On sait que la région, elle est très grande. La région, elle est immense. Mais toutes les ressources, tous les efforts vont être mis en commun pour faire la promotion touristique de la région, qui a vraiment beaucoup à offrir aux touristes. Touristes d'été, touristes d'hiver, la chasse, la pêche, la nature, c'est vraiment un endroit de prédilection. Donc, on va vraiment unir les forces pour les représentations, pour la promotion dans tout ça. Donc, une fusion à venir, un poste de direction générale à combler également. On va embaucher une firme externe pour analyser les candidatures, pour s'assurer de la neutralité de la démarche. Les membres du conseil d'administration de Manicouagan qui pourraient favoriser un candidat de Manicouagan, et même chose avec Duplessis. Donc, on va vraiment engager une firme extérieure pour s'assurer de plus de neutralité possible dans ce dossier-là. Mm-hmm. Ben oui, parce que le tourisme est toujours un vecteur économique hein, pour les régions, hein, où qu'on soit. D'ailleurs, tu avais prévu de nous parler de la programmation du Festival de la chanson de Tadoussac, mais on a eu l'entrevue la semaine dernière, donc on ouais, connaît un peu. Arrive, hein? Ouais, mais est-ce que justement, ben, pour Fermont, est-ce qu'on peut imaginer un circuit touristique, même si c'est pas la porte à côté non plus, mais il doit y avoir beaucoup de gens de Fermont qui vont à Tadoussac, à l'inverse? Ben écoute, oui, c'est ça, il y en a quand même quelques-uns qui font un devoir d'y aller chaque année. Ça fait bizarre à dire, hein, parce qu'on vient de parler de l'immensité de la région. c'est dans ma région, mais c'est beaucoup plus près de chez vous que chez nous. D'aller faire un tour à Tadoussac, c'est quelques heures seulement pour les gens de Québec, tandis que chez nous, ça prend une journée de voiture complète presque pour se rendre là. Mais oui, je connais beaucoup de gens à Fermont qui se font un devoir à chaque année de prendre quelques jours de congé au début juin ou encore dont les vacances débutent en juin, qui font un arrêt obligé à Tadoussac. C'est un petit bijou de la région de la Côte-Nord, Tadoussac. Donc, oui, le festival là-bas, le festival de la chanson là-bas qui est très prisé des gens de la région. Puis, peu importe où on se trouve en région, il y a des gens qui sont très attachés justement à des événements comme ça, des événements régionaux qui sont d'une envergure plus que régionale. Tu sais, justement, là, quand on dit que même à CKRL à Québec, la programmation a été dévoilée, ils font même le dévoilement de la programmation à Québec, tu sais, pour donner une idée de l'ampleur que ça a. Donc oui, c'est quelque chose qui touche toute la région. C'est plus difficile pour les gens de chez nous de s'y rendre, mais il y en a quand même qui se font un devoir d'y aller, ne serait-ce que pour encourager un peu les activités qui sont en région. C'est loin, c'est la porte de la Côte-Nord. Hein. Quand on parle de Québec, c'est vraiment la porte de la Côte-Nord, à Tadoussac. Mais c'est quelque chose à ne pas manquer. C'est un incontournable dans les festivals musicaux au Québec, vraiment. Un des plus vieux, puis un des plus appréciés, puis un de ceux qui a le plus de diversité également. C'est ça qui est vraiment le fun avec ce qui se passe à Tadoussac. Mais oui, ça doit être une activité très appréciée. Donc, ouais. Ça se tiendra, on le rappelle, du 9 au 12 juin prochain. Je ne sais plus si la vente des passeports a déjà commencé, mais en tout cas, anticipez, parce que les logements se remplissent très très vite. Merci beaucoup, Carl Gagné-Côté. Merci beaucoup à toi, Jessica. À lundi prochain, on rappelle peut-être le site internet pour vous suivre, vous écouter sur CFMF. Oui, cfmf.ca, les gens qui peuvent avoir plein d'informations sur ce qui se passe chez nous de ce côté-là. Facebook, Twitter également, on est bien actifs sur les réseaux sociaux. Merci encore, Carl. À la semaine prochaine. Bonne fin de journée. Bon après-midi à tous. Jessica Lepp, toujours avec vous pour la suite de Stéréo Local. Dans quelques instants, on va au Théâtre Petit Champlain avec deux étudiants du Cégep de Sainte-Foy qui seront sur cette scène demain en compagnie de bien d'autres étudiants de leur classe. C'est sous la direction de William Sévigny qu'ils présenteront le spectacle Tout Sauf Bieber. On en parle avec eux dans quelques instants, mais avant cela, je vous propose d'écouter une chanson qui sera interprétée demain, c'est Cage the Elephant avec Cigarette Daydreams. Did you stand there all alone? Oh, I cannot explain what's going down. I can see you standing next to me. In and out, somewhere else right now. You sigh, look away. I can see it clear as day. Close your eyes, so afraid. Hide behind that baby face. Do do do do do do. You can drive. Like yesterday, as I recall, you were looking out of place, gathering up your things and slipped away. No time at all, I followed you into the hall. You can drive all night. cried all night, looking for the answers in the pouring rain. Wanna find peace of mind. Looking for the answer. We can find a reason to change. Looking for the answer. If you can find a reason to stay. Standing in the pouring rain. American Idiot, SKRL 89.1. Si vous adorez cet album, vous adorez peut-être la reprise des étudiants du Cégep de Sainte-Foy demain au théâtre Petit Champlain. Ils présentent un spectacle appelé Tout sauf Bieber. Donc ce qu'on a entendu, ça respecte pas mal la ligne directrice avec Green Day et Cage the Elephant juste avant. Et ce spectacle est présenté sous la direction artistique de William Sevigny, qu'on peut connaître comme artiste solo, mais il s'occupe aussi de la relève avec les étudiants du Cégep de Sainte-Foy, donc qui l'accompagnera demain sur scène peut-être. On est avec lui pour en parler. Bonjour William. Bonjour Jessica. Alors, parle-nous un petit peu de ce chapeau en tant que directeur artistique. Ce projet a commencé avec la rentrée scolaire en septembre? Oui, exactement. Ça a débuté en septembre. Écoute, j'avais déjà travaillé par le passé avec le Cégep un petit peu comme pigiste pour différents projets, mais celui-là, je l'ai pris un petit peu plus au sérieux. Les élèves ont pu choisir leur chanson, choisir leur titre de spectacle, et puis rendre ça du mieux qu'ils peuvent le faire demain au Petit Champlain. Ouais. Mais comment ça s'est passé? Est-ce que c'était dans le cadre d'un cours de musique que tu intervenais? Parce que pour monter un tel spectacle, ça demande beaucoup de pratique, j'imagine. Écoute, ça a été quand même assez particulier comme concept, parce que c'est un concept qui, est vraiment aléatoire selon le genre d'étudiant qui s'inscrit au projet Première Chance. Tout dépendant de l'instrument qu'ils vont jouer, si ce sont des auteurs-compositeurs, si ce sont des interprètes. Puis là, cette année, on a fait avec les instruments qu'on avait. Ils se sont présentés, puis on a monté le spectacle sur une longue durée. Depuis septembre, on se rencontrait à tous les deux semaines pour discuter de chansons, pratiquer, répéter ensemble, choisir le répertoire, coaching de vocal, coaching d'interprétation. Ça touchait plusieurs facettes. Ouais. Et le mandat, c'est tout sauf Bieber. Je trouve le titre excellent de ce spectacle, parce que c'est une façon de dire aussi, on sort un petit peu des chansons, des répertoires que vous écoutez peut-être un peu trop facilement habituellement à la radio. Oui, c'est vraiment leur spectacle, c'est leur carte blanche. Puis quand ce nom-là est sorti dans nos discussions, on a trouvé ça vraiment très très drôle. Mais il va avoir quand même des surprises dans ce spectacle-là. Avec un titre comme ça, faut quand même l'assumer et tout ça, mais oui, il va y avoir vraiment un choix de chansons différents selon les styles musicaux de chaque participant. Mmh. Donc ils ont choisi les chansons qu'ils vont interpréter demain. Exactement. Ouais. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai encadrés par la suite. J'ai décidé un peu du playlist de la mise en scène un petit peu avec eux, mais je souhaitais vraiment juste les inclure dans le processus, puis les guider, puis leur donner bien humblement ce que j'avais comme outil dans mon coffre, puis pour qu'ils puissent vivre justement un beau trip de gang, puis une expérience de spectacle dans une salle comme le Théâtre Petit Champlain. Mais ça se passe comment? Est-ce que c'est des étudiants qui sont forcément à l'aise avec le chant, ou est-ce qu'il y en a certains qu'ils ont voulu essayer pour ce projet-là? Ben écoute, la plupart maîtrisent très bien leur voix. C'était étonnamment, je crois, il y a seulement qu'un participant qui jouait de la basse, puis lui chantait pas. Mais c'est ça qui est intéressant de ce projet-là. On va avec les forces de chacun, puis on les met en commun. Donc, si quelqu'un est très bon à la guitare, ben il peut accompagner les autres. Il peut, si quelqu'un chante très bien, il peut faire des backs vocales sur une pièce. Donc, on avait vraiment plein de possibilités là pour monter ce spectacle-là. Et qu'est-ce que tu remarques dans les choix des étudiants, justement, sur les choix des chansons? Est-ce que on reste dans le populaire? Parce que bon, c'est ce qui a marqué dans la description du spectacle. On va revisiter bon nombre d'excellents classiques populaires. Mais est-ce qu'il y a des choses où ça t'a peut-être étonné dans leur choix? Oui, effectivement. Écoute, on passe de Zaz à Marilyn Manson. Ah oui, quand même. Ouais, c'est sûr. C'est vraiment, on en a de toutes les couleurs, de tous les styles. Puis étonnamment, ça s'intègre très bien, parce que ils travaillent ensemble. C'est comme un travail d'équipe. Puis j'ai vraiment hâte, parce que ils ont travaillé fort. Là, je veux dire, moi j'étais pas toujours, je leur laissais pas la tâche facile non plus. Je leur ai donné quelques directives. J'ai essayé de les mettre au défi un petit peu pour qu'ils sortent de ce projet-là gagnant, puis qu'il y ait juste vécu quelque chose de trippant. Ouais. Mm-hmm. Et est-ce que justement, tu n'avais pas envie de leur souffler quelques idées des fois pour qu'ils sortent un peu des sentiers battus sur les chansons populaires? Ben écoute, oui et non. Je souhaitais vraiment que ce soit leur spectacle. Donc oui, on a discuté de répertoire. Ça leur a permis probablement de découvrir d'autres artistes, d'être influencés par différents styles musicaux. Mais à la base, le projet Première Chance, c'était vraiment un projet de spectacle pour eux, pour vraiment leur donner une vitrine, puis leur dire, ben nous, on a le goût que ça soit comme ça, on a le goût de se présenter de cette façon-là, ben OK, on s'assoit, puis on trouve une façon que ça se tienne. Est-ce qu'il n'y a que du chant, ou il va y avoir peut-être des séquences dansées aussi? Si on sait que les jeunes aiment beaucoup quand c'est multidisciplinaire, est-ce qu'on va voir ça demain? Oui, on a un numéro particulier avec une fille qui danse, qui s'est ajoutée un petit peu vers la fin du spectacle, mais j'en dis pas plus long. Ça va vraiment être c'est le seul numéro de danse qu'il y aura dans la soirée. Majoritairement, c'est de la musique puis le groupe là. Ouais. Mm-hmm. Est-ce que tu penses que à travers ce spectacle, tu vas réussir à transmettre l'envie de faire de la scène son métier, ou est-ce que peut-être il y en a pour qui c'est déjà très très clair dans leur tête? Ben en tout cas pour ma part, moi ça me donne le goût de continuer, ça c'est certain, parce que de voir des étudiants comme ça, moi je me revoyais tellement à leur place au cégep. J'aurais vraiment participé à ce genre de projet-là. Je sais pas s'il y en a qui vont continuer, qui vont avoir le goût de

16h, bienvenue sur les ondes de CKRL 89.1, c'est Stéréo Local qui se poursuit jusqu'à 17h30. Jessica Leb au micro pour vous accompagner et j'ai la chance de recevoir aujourd'hui Annie Villeneuve et Jason Roy l'éveillé pour la série de représentation du film que vous connaissez forcément au moins de nom, Grease, qui viendra à Québec pour 24 représentations. Ça sera à la salle Albert Rousseau dès le 28 juin. Bonjour Annie, bonjour Jason. Allô. Ça va bien? Très bien. Merci. Marathon médiatique aujourd'hui à Québec. Absolument. On ne sera pas étonné de vous avoir vu un peu partout, de vous avoir entendu à la radio, j'imagine. Comment vous vivez justement cette tournée médiatique alors qu'à Montréal, vous avez déjà fini votre série de représentations? On a terminé samedi dernier, donc il y a quelques jours déjà. Ben, ça se passe bien. Aujourd'hui, on est content. Pardon. On est content de parler de ce qui nous habite et ce qui nous rend passionnés ces temps-ci, c'est-à-dire la comédie musicale Grease. Mm-hmm. Donc, ça nous fait plaisir d'être là, vraiment. Puis on a hâte de venir vous la présenter, donc. Oui. Puis on a fait la run de lait, comme on dit oui. aujourd'hui. C'est ça. Et quand même une belle installation parce que 24 représentations, c'est pas rien. À la salle Albert Rousseau, près de 1000 places. Je me souviens plus combien exactement. Mm-hmm. Ça monte même peut-être un oui, peu. Je pense 1200. Oui. 1200. Ouais. Voilà, exactement. Donc c'est un défi de remplir cette salle, mais. Le succès aidant du film, quand même, vous pensez attirer la curiosité? Effectivement, pour ce qui était de Montréal, les ventes ont été tellement... Bien été. Oui, c'est ça, parce que tu l'as dit, Grease, c'était déjà un nom qui était connu. Pour la plupart, on avait déjà vu le film. Puis après, c'est Annie Villeneuve là, qui fait exploser les ventes. Là. Bon. Annie, non, qu'est-ce que tu as à dire pour le défendre? Il y a tellement raison. Non, c'est ça. En fait, Grease, on a envie de le voir, c'est certain. On le voit par le fait de l'an dernier, juste même avant même d'avoir présenté le casting, présenté les gens qui allaient interpréter les rôles, la moitié des billets étaient déjà vendus. Tu sais. Alors aussi Québec, c'est central, hein? En plein festival aussi, on rejoint beaucoup plus de gens, quasiment là, c'est pour vrai. Alors ça nous fait plaisir d'être ici, d'établir résidence aussi. Vous allez voir, ou constater ou revoir, mais nous, on devient meilleur, on s'établit, c'est le fun, on a des routines, la chimie est grandie tellement vite. Rétablir résidence, c'est un beau cadeau. Alors, vous nous en faites un, on va vous en faire un retour, on va vous donner un méchant bon show. Et c'est une adaptation française, évidemment, on a peut-être vu le film déjà en version française, mais de le voir sur scène, on est d'accord que c'est une autre expérience. Oui. Quelles sont les différences, justement, entre le film et la comédie musicale? Disons que il y a eu quand même une adaptation parce que le film se passe dans les années 50, mais il y a quand même un côté humoristique qui a été adapté pour de l'humour de notre génération actuelle, des années de 2000. Sinon, c'est sûr que on va retrouver les personnages, on va retrouver les chansons, l'espèce de côté coloré aussi de Grease, les costumes, les décors, les voitures. Ah, il y aura les voitures sur scène. Sinon, on a mis notre grain de sel aussi dans l'interprétation des personnages, évidemment avec le metteur en scène, tout ça. Tu sais, que vous connaissez ou pas, ou que vous êtes, tu sais, que vous ayez grandi avec, moi, j'ai grandi avec le film Grease, évidemment, et les chansons de Grease. Mm-hmm. Tu viens dans la salle, c'est certain que tu trouves ton compte. Mm-hmm. C'est sûr qu'à la base, c'est une relation d'amour, donc c'est très actuel. Les chansons, même quand je pense à Hopelessly Devoted to You, on peut encore déjà l'entendre dans les radios commerciales. donc ça ne vieillit pas. Ça vieillit, c'est vrai. Tu sais, si on met le film dans le DVD, on le voit bien que la technologie, juste de tourner un film a changé, mais, on se ramène dans les années 50, c'est sûr qu'on est divertis, certain. Puis les chansons justement que vous avez envie d'entendre, on les a laissées en anglais. Donc c'est peut-être une similitude avec le film que vous allez voir. On va jouer en français, mais vos Hopelessly Devoted, Sandy, You're the One, We Go Together, vous les avez en anglais. On va pouvoir les chanter dans leur langue originale. Mais oui, moi j'avais vu à Paris justement une adaptation française, mais on avait traduit quelques chansons et j'avoue que ça fait bizarre, même si on a envie de franciser, etc., de comprendre les paroles. Parce que l'avantage d'une comédie musicale, c'est que les chansons font avancer l'histoire. Absolument. On raconte quelque chose. C'est pour chose. Ça que certaines chansons aussi ont été choisies d'être traduites en français pour coller à l'histoire, à faire avancer les personnages puis tout ça. Mm-hmm. Mais aussi, c'est une exception, Grease. Ouais. On était conscients qu'il fallait donner aussi le bonbon. C'est des tubes, hein? Ouais, complètement. C'est difficile d'en sortir. on va quand même rappeler l'histoire parce qu'il y en a peut-être qui l'ont jamais vu, ce film-là, qui l'ont jamais écouté. Donc, c'est l'occasion. Tout commence d'une histoire d'amour l'été, hein, on se souvient, voilà, sur la plage. Un baiser langoureux entre Sandy et j'oublie Danny. Danny, bien sûr. Alias John Travolta, évidemment. Quand même. Les gens se rappellent. Et puis, les vacances se terminent, ils se séparent et par le plus grand des hasards, ils se retrouvent dans la même université. Exactement, c'est la rentrée scolaire et finalement, ils se retrouvent. Elle se retrouve dans une nouvelle gang parce que c'est elle qui a changé d'école et qui s'est... Oui, puisqu'elle est australienne, c'est ça? C'est trop d'informations pour moi. Oui! Il me semble que oui, elle vient en tout cas de très loin par rapport aux États-Unis. Voilà. Donc, pendant les vacances, elle a rencontré Danny et elle va réaliser qu'il a complètement changé quand il est au sein de sa gang de T-Bird. Et elle va se créer aussi un sentiment d'appartenance avec les Pink Ladies. Mm-hmm. Puis c'est ça, il y a beaucoup d'initiations pour elle. Elle a quand même du caractère. On voit c'est une femme forte, mais pleine de naïveté à travers tout ça. Donc, elle va essayer de s'adapter à ce Danny Zuko, ce nouveau Danny Zuko à l'école. Mm-hmm. Qui doit tenir sa réputation, qui s'est trouvé déjà beaucoup de filles. Oui, effectivement. C'est un peu le passage aussi de l'adolescent au jeune adulte, là, tu sais, accepter justement de s'assumer en tant qu'individu. Individu, puis pas plaire nécessairement à tout le monde, à ses amis, puis vraiment de se laisser aller dans l'amour, puis Et on se rend compte d'un petit cœur tendre sous cette grande carapace de grandeur. C'est très attachant. Vraiment. Très, très attachant. Mais c'est ça, on pourrait tout tomber amoureux de ce mec-là, jusqu'à le détester quand on voit son image à l'université, finalement. Exactement. Et donc, les rôles étaient interprétés par Olivia Newton-John au cinéma, John Travolta, comme on le disait. C'est quand même une grosse pression pour vous, parce que les gens ont forcément l'image de ces acteurs-là en venant vous voir. Ouais, mais comme je disais tantôt, on a effleuré le sujet un peu, mais moi, personnellement, au début, c'est sûr que ça me stressait, mais j'ai vite tassé ça de l'équation parce que je voulais premièrement m'amuser, mais deuxièmement aussi faire confiance vraiment au metteur en scène, puis pas faire de copier-coller non plus. Je voulais amener mon grain de sel, puis faire un travail d'équipe, tout le monde ensemble. Puis aussi, j'avais eu l'expérience avec Lancé Compte de chausser des patins qui avaient déjà été chaussés, comme mon personnage de Guy Lambert. C'est le fils d'un personnage culte au Québec. Bon, parce que Lancé Compte, ça existe depuis 150 ans. Mais c'est ça, j'avais pas envie de me stresser avec ça. Le monde m'en parle, tant mieux. C'est « Hey, tu vas faire John Travolta. » On se rappelle plus de son nom que du nom de personnage. Exactement, Danny Zuko. Ouais. Mais bon, on l'oublie vite avec la pièce qu'on vous présente. Je pense qu'on s'attache vraiment au personnage qu'on a réussi à construire, à la mise en scène. Puis on oublie tout ça, là. Et toi, de ton côté, Annie, d'interpréter donc le personnage d'Olivia Newton-John, qu'on a connu clairement avec ce film. Après, elle a fait d'autres choses, mais c'est ce film qui a porté sa carrière. Oui, ben moi, c'est sûr que je me colle à Sandy, je me colle à ce qu'elle est, à ce qu'elle est fondamentalement. En lisant les textes, je vais chercher à l'intérieur de moi ce que je ressens pour plusieurs situations. Je la trouve forte, je la trouve belle, je suis pleine d'admiration, je l'aime. C'est Sandy, moi, mon phare. C'est pas Olivia, tu sais, elle a très bien fait ça, mais depuis, ça a été repris 150 millions de fois, pour reprendre ton chiffre. Tu sais, alors, je peux me fier à n'importe qui, mais je veux pas faire du copier-coller, moi non plus. Et pour vrai, honnêtement, j'ai pas été habitée par une angoisse très rapidement, très, très longtemps. Mm-hmm. Rapidement, j'ai été habitée par le plaisir et la chance que j'avais de faire ça, l'espèce d'excitation de chanter, danser, d'interpréter, de jouer, de travailler avec des amis, de travailler avec des gens, de pas avoir toute la pression sur le d'un spectacle solo. Il y a quelque chose de magnifique et magique à travers ça, juste dans l'exercice comme être humain, là. Alors, je me suis accrochée à ça, puis je me suis lancée, puis c'est ça. Ça donne ce que ça donne et je suis très fière. Faut voir les rôles plus que les interprètes. Exactement. Au bout d'un moment. Effectivement. C'est certain. Tu parlais des amis. Vous êtes quand même une grande troupe, hein. Bon, les comédies musicales, il y a toujours du monde sur scène, mais quand même, une vingtaine, je dirais, à peu près. Sur scène, on est 12, 15. Puis les techniciens, les musiciens, on est 25, 30, là. Donc, on est obligé d'avoir une bonne ambiance sur ce genre de spectacle. Oui. Ça se ressent. Donc, s'il n'y a pas de bonne ambiance, le public le ressent aussi. Mais on a vraiment été chanceux pour ça. Il n'y a pas de pommes pourrites dans le groupe, comme on dit. Il n'y a pas d'égo démesuré. Il n'y a pas de problème à gérer du tout. Il y a vraiment des talents aussi, différents talents. Il y en a qui se spécialisaient plus en danse ou même en cirque ou en clown. Le metteur en scène a étudié au Coq à Paris. Il y a plein de talents d'un peu partout, puis tout le monde est très généreux de leur talent, justement. Puis c'est ça, il n'y a pas d'égo, comme tu dis. Non. Donc ça, c'est plutôt bien, effectivement. Et ce que j'aime aussi dans ce film, dans cette histoire, c'est que les rôles secondaires sont intéressants. Il y a des rôles très drôles dans les rôles secondaires. Donc ça fait une belle balance avec les personnages principaux. Et ils vont vous faire rire, mais vraiment. Ils sont bons, en plus. Oh, oui, vraiment. Tout est important dans cette pièce, vraiment. Alors je pense par exemple à Philippe Touzel dans le rôle de Kenichi, hein, le comparse donc de Danny Zuko. On a aussi Rizzo, Frenchie, donc du côté des filles, interprétées respectivement par Marie-Lou Morin et Gabrielle Fontaine. Bon bref, je vous laisserai découvrir la distribution quand vous irez les voir, bien sûr. Ça a été quoi le plus difficile pour vous finalement dans la préparation de ce spectacle? De pas décrocher, de pas décrocher. J'y trouve tellement, tellement bon tout le monde que souvent je me rends compte que je suis rendue spectatrice de ce qu'on est en train de faire. C'est ça mon plus grand défi. Et aussi dans tout ça, il y a le fou rire qui m'habite, qui est jamais bien loin parce que je suis une ricaneuse et il change quelque chose de gros comme rien, puis il me fait rire. Alors il me fait travailler fort. C'est entre vous, voilà. Oui, il me fait travailler fort, notre beau Jason. On se fait beaucoup de mauvais coups. Oui. Ouais, oui, mais c'est le fun. Ça ajoute. Chaque soirée, je sais pas ce que je vais vivre, puis je grandis à chaque fois. Mais pour toi, Jason, moi, je pense que ça va être de rester calme à Québec, puis de pas calme. Trop faire le point de vue party. Point de vue party, oui. Parce que je pense qu'on va avoir l'emplacement parfait, la gang parfaite aussi. Vrai. Mais faut vraiment être en forme physiquement, vocalement, pour durer tout le long des représentations, parce que bon, on joue du mercredi au dimanche, deux spectacles le samedi. Puis c'est ça, il faut faire attention, mais ça va être vraiment plaisant. Et c'est quoi la journée type justement? Est-ce que vous commencez répétition le matin ou non? Il faut se remettre de la soirée. on arrive en fait, on mange sur place. Souvent on fait un test de son après sur la scène, étirement, réchauffement, tout ça. Après maquillage, coiffure, costume. Ça c'est quand même long, ouais. Un bonheur. Ben oui, c'est une transformation même. Ouais. Moi j'ai beaucoup d'esprit net. Forcément. Puis après ça, le spectacle commence. Oui. Puis, et on fait un cri de gang et on se tient vraiment. On a nos petits rituels, Tout le monde ensemble. Donc à part le cri, il y a quoi d'autre? Souvent on fait, parce que le spectacle commence avec une chanson a cappella, We Go Together, qui est vraiment une espèce de reprise un peu gospel avec plein d'harmonie. On se le fait en coulisses, tout le monde ensemble, juste pour se réchauffer un peu vocalement, puis se mettre dedans parce que c'est vraiment le fun à faire. Ouais, c'est très énergique, ça met dans l'ambiance du spectacle, j'imagine. Ouais. Alors voilà pour cette troupe qu'on aura hâte de découvrir à Québec. J'ai envie de vous demander, c'est quoi votre moment préféré dans le spectacle? Vous avez chacun vos moments forts. Mm-hmm. On a tous en tant que spectateur. Est-ce qu'il y en avait, il y en a un particulièrement dans la mise en scène aussi qui est intéressant? Mais je veux vraiment dire qu'à chaque entrevue qu'on fait, on change d'idée puis on change de chanson. Alors pour moi, ça on serait va avoir l'air menteur, mais bon, moi, c'est la chanson de la fin. Quand on se réunit toute la gang puis le party punk, puis justement que Sandy est rendue, qu'elle est allée chercher ce qu'elle n'est pas habituellement, elle est allée découvrir une partie d'elle. La femme fatale. Peu, oui, c'est ça. Puis j'avoue que c'est très flatteur aussi parce que quand je rentre sur scène, il y a une belle réaction. Je me suis jamais fait. Ben, j'avoue, puis en plus pour Québec, c'est le fun parce que on a rajouté dans les dernières répétitions de numéros de danse entre Sandy et Danny, donc à la fin quelques acrobaties rock and roll puis tout ça. Ouais, non, moi aussi, c'est sûr que c'est un apogée là, dans le spectacle. Selon moi, c'est l'un des moments forts du spectacle. Oui. On l'attend avec impatience. On se dit comment elle va arriver, Sandy? Quelle va être la transformation? Elle se change en deux minutes et ça part. C'est assez rapide. rapide. Mais oui, clairement. Et la coiffure aussi. Et, changement de perruque. Voilà, et le cuir. On et les talons, en tout cas. Mais on vous souhaite une très belle série de représentations. Merci. Merci encore, Annie Villeneuve et Jason Roy, l'éveillé, qu'on retrouvera à partir du 28 juin prochain pour 24 représentations à la salle Albert Rousseau. Évidemment, on va écouter un extrait du film, mais on va aussi offrir une paire de billets à un auditeur de CKRL, un chanceux, qui va pouvoir aller vous voir à la date de son choix. Alors, un seul numéro, 88-640-1586, 88-640-1586, et c'est bon pour vous pour aller voir Grease. Alors c'est l'ouverture de Grease, le film que vous pourrez retrouver à partir du 28 juin à la salle Albert Rousseau, je vous le rappelle. On passe maintenant du côté des micro-brasseries, et en particulier de la Barberie, qui a fait une visite ce matin. Eh bien c'est Tania Beaumont qui est allée à la Barberie pour sa chronique Apprenti Foodie. Salut Tania. Allô Jessica. Qu'est-ce qui se passe à la Barberie? Il y a eu un investissement très important pour la micro-brasserie. Oui, un investissement de 500 000 $ qui servait à augmenter la capacité de production de 25 %. Si vous ne connaissez pas la Barberie, ils sont situés ici dans Saint-Roch, juste en face du palais de justice, disons, dans ce coin-là, sur la rue Saint-Roch au 310 plus précisément, ce qui fait qu'on peut pas agrandir par l'extérieur. Alors, fallait trouver plus de place par l'intérieur. Donc, il a fallu réfléchir quand même à l'entrepôt, hein, du moins le lieu qu'on avait déjà avec les cuves de brassage pour bien refaire le tout, bien placer. Donc, on a quand même défoncé un mur, on a installé de nouvelles cuves et on a vraiment agrandi par l'intérieur en rendant les équipements et l'installation plus efficaces. Ce qui fait qu'on a fait affaire avec des gens de Québec pour faire de très grandes cuves, des nouvelles en stainless, donc qui pourront être utilisées. Évidemment, ça avait mis un frein un peu à la production et là, ben, tout est reparti. On utilise maintenant ces nouvelles cuves et c'est pourquoi on invite les gens à des portes ouvertes demain, le 19 avril, entre 15h30 et 19h. Évidemment, pour ceux qui s'étaient ennuyés de la bière de la Barberie, mais ce sera l'occasion de le faire. Évidemment, on avait des stocks, mais là, on peut rebrasser comme il faut. Donc, ça donne une très belle salle de brassage. Il y a quelques microbrasseries à Québec qui mettent ça derrière des vitres. Ouais. Je pense à la Corrigan, par exemple, le Noctem aussi, où on voit le tout. Et c'est quand même relativement petit, donc c'est assez impressionnant d'aller faire un tour là-dedans. Il y a une dizaine de cuves de brassage qui sont installées pour produire les produits de la Barberie. On sait qu'il y a des bières en fût, on peut même acheter des barils. Question de, si on fait une fête à la maison, il y a possibilité, il y en a des petits et des grands. Par exemple, si vous êtes passé au Radioton, c'est ce qu'on avait ici, là. On avait les barils de la Barberie, donc c'est possible aussi de les acheter pour des événements privés du genre. Il y a les bières en bouteille aussi. Et il y a toujours des brassins très très originaux et c'est la mission de la Barberie depuis 19 ans. Bientôt, on est encore dans la 18e année, mais ça va être l'anniversaire au printemps, début de l'été. Ça fait déjà 19 ans que la Barberie existe et déjà on pense à ce qu'on va faire pour le 20e anniversaire. Donc c'est la mission, le mandat et on pense le continuer, donc de faire des bières avec des ingrédients de qualité mais aussi des recettes originales. On sait qu'il y a par exemple la blanche au mur ou la cuivrée au thé qui sont vraiment des bières très très prisées de la Barberie et qui sont très très populaires. Donc on était très contents de présenter cette nouvelle salle de brassage qui fait maintenant 130 mètres carrés. On peut faire... on a installé en fait 8 nouvelles cuves de 2000 litres. Wow. Donc, ça remplace les 14 anciennes cuves de 1000 litres. Et ça permet donc d'avoir une méthode de travail aussi plus écologique. On sait qu'il y a toujours ce côté derrière la Barberie. C'est une coopérative de travail. Donc, on a l'éthique autant environnementale que de travail à cœur. C'est aussi un nouveau système de récupération d'eau chaude qu'on a apporté. Il y a aussi un grand baril dans lequel on met de l'eau froide pour pouvoir refroidir plus facilement. Donc, les nouvelles installations vont vraiment faciliter la manipulation pour les brasseurs. On voulait aussi maximiser la performance des cuves et aussi avoir une constance dans la création de la bière. On sait qu'avec les levures, avec la fermentation, tout ça est vraiment fragile. On le voit aussi avec le vin, le cépage. D'une année à l'autre, c'est jamais pareil. Mais pour la bière, c'est la même chose. Donc, quand on a un brassin, si on a une petite variation de température ou si le houblon avait quelque chose, donc c'est un peu la même chose qui fait qu'on veut offrir un produit un peu plus stable et une meilleure constance. Donc, avec ces nouvelles cuves qui ont été faites à Québec, je le rappelle, on est maintenant en voiture pour faire le tout. Évidemment, quand on relance comme ça d'un grand investissement, on veut présenter des nouveaux produits. Mais c'est ce que j'allais te demander. J'imagine que pour l'occasion, il y a des nouvelles choses qui vont être brassées alors. Oui, il y aura 4 nouvelles bières. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est en collaboration avec d'autres microbrasseries. Des fois, on peut avoir tendance de penser qu'il y a une compétition. Donc, évidemment, chacun veut tirer sa part du marché qui commence à être de plus en plus divisé. On sait, au Québec, là, il y a vraiment beaucoup de microbrasseries. Mm-hmm. Il y en a une pratiquement à tous les coins de rue, à notre grand bonheur. Par exemple, et la qualité est là. C'est pourquoi on s'est associé avec différentes microbrasseries de la province pour faire des produits exclusifs. On aura une bière en collaboration avec la microbrasserie du Lièvre qui est à Mont-Laurier. Peut-être qu'on la connaît moins, celle-là. En tout cas, ça me dit rien. Le logo, moi, me dit quelque chose, mais. Ah, probablement. Peut-être autre chose. Ouais. Peut-être, mais en tout cas, donc à surveiller. Il y a aussi microbrasserie Le Naufrageur de Carleton en Gaspésie, la brasserie La Chouappe de Saint-Félicien et le Bilbo de Saint-Hyacinthe. Donc, on va faire des bières en, en collaboration avec eux. Jusqu'à maintenant, il y a des bières qui ont déjà été faites en collaboration avec certaines microbrasseries, dont le Bill Bocquet, on avait fait une IPA belge. Il y a la Smash Nelson Sauvin qui avait été créée avec la, la Schwab, sont déjà disponibles. Donc, on va travailler sur quelques bières comme ça qu'on pourra se, se procurer, autant dans les dépanneurs, dans les points de vente de la Barberie. On trouve quand même ces bières... très facilement. Oui, très facilement. Il y en a partout. Et sinon, sur place aussi, à déguster, entre autres demain dans les portes ouvertes. Mais je sais que hier, avec la belle température, la terrasse avait repris vie. Était pleine. On a eu un espion sur place. Oui, c'est ça, un collaborateur qui était là et qui nous a rapporté que, évidemment, la terrasse qui est toujours très prisé à la Barberie, un lieu vraiment très intéressant. On invite même les gens à porter leur lunch. Oui, il y a des petites choses à manger, par exemple, il y a du saucisson, il y a des trucs aussi non alcoolisés, mais on invite les gens à porter leur lunch carrément. Ou à se faire livrer même directement à la micro. Ben oui, ben c'est ce qui est une belle opportunité si on n'a pas envie d'avoir à gérer la cuisine aussi. Moi, c'est une option que j'aime beaucoup parce que nécessairement on aura faim. Si on veut garder ses clients, ben de manger c'est toujours pratique. Puis je tiens à mentionner aussi, tant qu'à parler de la Barberie, qu'il y a une espèce de petit salon privé avec lequel, dans lequel il y a comme des bancs d'église, finalement, des tables. Ça peut très bien faire pour une espèce de réunion, une petite fête, ou quand on est peut-être vingtaine de personnes, on commence à être serré, mais disons 10-15, là, ça se fait vraiment très bien, et ça se loue assez facilement. Donc, avec une thématique bière et autre chose. Au choix. Donc. Ouais, et autre chose. Justement, Michel Marcoux qui était sur place, parce que même si il est maintenant avec la Brasserie Générale, il est vraiment très associé à la Barberie pour avoir été là presque dès les débuts, et il fait encore les dégustations donc sur le tout nouveau site, parce qu'on a profité aussi de l'occasion pour faire une refonte du site internet. On retrouve l'horaire des dégustations qui sont animées par Michel Marcoux. Si vous n'êtes pas certaine ou certain de son talent, je vous invite à aller sur la page d'accueil de CKRL, il y a encore les balados diffusion du Radioton. Écoutez tout simplement sa conférence dégustation sur bière et fromage qu'il a fait ici pendant le Radioton, et vous allez voir à quel point il peut être divertissant. Et là, imaginez, il est à la radio, donc il ne pouvait pas prendre de pause, mais normalement, il prend le temps quand même, et il nous amène... avec lui sur les plaisirs de la dégustation. Donc, tout ça va être évidemment l'horaire sur le nouveau site de la Barberie, mais aussi d'autres activités. Entre autres, on nous a annoncé qu'on allait brasser une bière spécialement pour l'occasion de l'arrivée d'un drakkar qui part de la Scandinavie, je crois. C'est complètement fou, ça. Oui, c'est ça, pour arriver à Québec. Donc, un des plus anciens bateaux. Bref, on va produire une bière pour l'occasion, et on va... Ça sera le 15 juin. J'ai la date sous les yeux, effectivement. Exactement. On brasse pour des vrais vikings, point d'exclamation. Ça promet, cet événement. Oui. Alors, oui, un site qui s'adapte très bien, d'ailleurs, à la version mobile, labarberie.com, si vous voulez consulter. Comme tu le disais, il y a tous les événements, la gamme complète à retrouver, donc ça vaut la peine. Et effectivement, on peut écouter le balado de la dégustation bière et fromage qu'on avait fait pour le Radioton à CKRL avant même d'y aller pour une autre. En tout cas. Oui, mais peut-être même se procurer les bières de la Barberie pour recréer notre dégustation. J'ai même retrouvé sur place midi, il y avait un des fromages qui était servi que je me rappelais qu'on avait eu là, et j'en ai profité. Valeur sûre, c'est certain. Mais merci beaucoup Tania Beaumont d'avoir fait cette visite pour nous, et d'ailleurs les portes ouvertes aujourd'hui se poursuivent, ou c'est demain? C'est demain de 15h30 à 19h, donc on invite les gens à y aller, évidemment déguster les bières, et on pourra même visiter la salle des cuves. C'est pas très long, mais c'est toujours agréable de voir l'envers du décor. Oui, exactement. Merci encore Tania. Ça fait plaisir. Je suis bien curieuse de savoir ce que tu nous réserves la semaine prochaine. Moi aussi. Dans quelques instants, Raymond Poirier sera avec nous. Vous écoutez CKRL 89.1. Sambang era koba, terani kambai. Terani kambai, sambang era koba, terani kambai. Sambai, abe terani kambai. À ne pas manquer sur la fabrique culturelle. Tout le monde connaît les ploufs parce qu'ils ont été adaptés à la radio, à la télévision, au cinéma. L'été classique. Agaguc, Ticoc et Les Ploufs. Si tout le monde connaît Les Ploufs, il faut pas oublier que Roger Lemelin, lui-même, c'était une star dans le temps. Un vrai Xavier Dolan de son temps. Tout le talent d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Mais Les Ploufs, c'est qui au juste? Les lundis à 18h30, CKRL présente l'émission littéraire Les bouquins d'abord. La librairie Pantoute s'associe avec l'équipe de chroniqueurs passionnés pour vous présenter leur coup de cœur. La librairie Pantoute, une librairie indépendante, des libraires passionnés et plus de 50 000 titres à vous proposer. 1100 rue Saint-Jean, 286 rue Saint-Joseph-Est. LibrairiePantoute.com. Vous avez une carte de membre de CKRL? Obtenez 25 $ de rabais sur un massage d'une heure et plus chez Ma Solution Québec au Centre médical Mayou, 1900 Avenue Mayou. Votre carte au coût de 25 $ est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Bon après-midi, bienvenue dans Stéréo Local. Jessica Leb au micro jusqu'à 17h30 sur les ondes de CKRL. On retrouve maintenant Raymond Poirier comme chaque lundi pour parler technologie d'information. Bonjour Raymond. Bonjour Jessica. Avec un invité aujourd'hui au sujet d'une conférence qui se tiendra ce jeudi 21 avril à 19h à la bibliothèque Gabriel Leroy. On parle toujours d'une entrée libre. On parlera des enjeux éthiques de la ville intelligente. Oui, et au bout du fil, il est avec nous donc le conférencier qui est également professeur de la faculté de philosophie à l'Université Laval, impliqué dans différents comités d'ailleurs en lien avec la philosophie et d'autres sujets, entre autres du comité éditorial de Nouveaux Projets. Donc, Patrick Turmel, bonjour. Bonjour. Et on parle évidemment dans cette conférence, le titre le dit, des enjeux éthiques de la ville intelligente. On entend beaucoup parler de ville intelligente, que ce soit en recherche, que ce soit en affaires, dans la politique aussi, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas tant parlé d'éthique autour de cette question-là. Très peu, en effet. On parle depuis déjà plusieurs années hein, de cette ville intelligente dont on ne sait pas toujours exactement de quoi il s'agit. C'est souvent davantage un slogan qu'autre chose. Et on m'a demandé l'année dernière d'intervenir sur cette question de l'éthique des villes intelligentes. Et en y réfléchissant, mais surtout en faisant un peu de recherche, j'ai réalisé avec des collègues qu'il y a au fond à peu près rien qui a été écrit, qui a été pensé sur la question éthique, donc sur les risques associés à la ville intelligente, aux dispositifs qui la constituent, à la question du numérique en milieu urbain, par exemple. Est-ce qu'on parle nécessairement de sécurité, par exemple? Ça dépasse de loin les enjeux de sécurité. Ça concerne bien sûr des enjeux de sécurité, mais ce ne sont pas les premiers enjeux qui m'intéressent pour ma part. Il y a des enjeux qui sont liés à la vie privée, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces données qui sont recueillies par les villes, qui les entreposent, par quel tiers transitent-elles ces données? Il y a des questions qui touchent indirectement à la sécurité, mais qui touchent plus directement à la surveillance. Des enjeux qui touchent au rapport entre le public et le privé. En fait, il y a de très très nombreux enjeux. C'est même un peu surprenant qu'on ne s'y soit pas davantage attardé jusqu'à maintenant. Excuse-moi, c'est juste par partage de la vie privée, justement, je pensais à la mise en danger de cette sécurité, donc il y a cause et conséquence, bien sûr. Oui, bien sûr. J'en reparlerai lors de la conférence ce jeudi, mais on a appris récemment que des chercheurs avaient réussi à découvrir qui était l'artiste de rue Banksy. Je ne sais pas si Banksy, ça vous dit quelque chose. Mm-hmm. Ce fameux artiste qui fait des graffitis un peu dans plusieurs villes du monde, qui a toujours travaillé sous couvert d'anonymat. On a publié récemment un article, donc des chercheurs à Londres ont publié un article dans lequel ils nous disent avoir probablement pu identifier Banksy simplement à partir de données ouvertes, donc à partir de données associées à là où les œuvres ont été produites, et donc en suivant qui se trouvait dans ces lieux-là à partir d'un processus de géolocalisation. Donc c'est assez fascinant quand même d'être en mesure à partir de toutes ces données qui nous sont accessibles maintenant d'identifier un artiste qui avait tenté de demeurer anonyme. Oui, en fait, c'est ce qui est un peu frappant, parce que quand on prend chaque application, par exemple, de manière séparée, ben, on peut nous dire, ben oui, mais il n'y a pas de problème, c'est anonyme et le reste, mais à la limite, la question et les enjeux viennent plus quand on est en mesure de croiser différentes informations qui sont obtenues, cataloguées, etc. Oui, en effet, ben, ça, c'est une des choses sur lesquelles j'insiste avec mes collègues Dominique Clich et Stéphane Roche dans un article à paraître sous peu dans la revue Ethica. On s'est intéressé à cette question de savoir si pour un enjeu comme celui de la ville intelligente, on ne devrait pas réfléchir en termes de système. Donc, il y a une tendance lorsqu'on fait de l'éthique des nouvelles technologies, il y a une tendance à s'intéresser à chaque nouvelle technologie prise à la pièce. Et pour chacune, les faire passer au crible des comités d'éthique et se dire, bon, il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Mais là, on est dans une situation où l'accumulation de ces nouvelles technologies qui, toutes prises séparément, semblent éthiquement tout à fait acceptables, créent un univers qui est complètement différent et qui pose en lui-même des questions éthiques, notamment ces questions de surveillance. Oui, et lié, entre autres, en fait, bon l'idée, si on est en mesure de voir, par exemple, la géolocalisation des gens, c'est qu'on laisse des traces. Les traces, on les laisse pas toujours non plus consciemment. Il y en a qu'on laisse consciemment, il y en a qu'on laisse inconsciemment. Donc, il y a une notion de tracking qui à la limite, peut allumer aussi quelques sonnettes d'éthique, justement. Mais bien sûr. Donc, évidemment, ça, du point de vue de la sécurité, pour reprendre le premier terme, il y a plusieurs personnes qui considèrent que c'est une très bonne chose que l'on puisse ainsi suivre la trace des individus. Si on a retrouvé Banksy, notamment les chercheurs de cette étude, c'est qu'on pourra retrouver des criminels, retrouver des terroristes, les suivre plus aisément. Mais en même temps, dans une société démocratique, libérale, ce genre de choses met un peu en question le droit à la vie privée, la protection. Une certaine protection de notre anonymité et donc il y a quelque chose de somme toute assez inquiétant, surtout si on met ça en parallèle avec des outils de triage socio-spatial qui par exemple nous permettent d'identifier ce qui serait une action normale dans un espace public. Donc on a des situations maintenant où on est en train de on peut imaginer par exemple que le flâneur du 21e siècle, hein, la personne qui décide de plutôt que de circuler, qui décide de flâner, de s'asseoir là où on ne s'attend pas à ce que quelqu'un s'assoie, la personne qui cesse de bouger dans un espace public où on s'attend à ce qu'il y ait du déplacement, soit immédiatement repérée par le système comme étant en train d'agir de façon anormale et potentiellement menaçante. Et évidemment, on peut imaginer que de ce point de vue-là, il y a un contrôle de la foule, mais aussi un contrôle de la foule démocratique qui peut menacer même la non seulement l'anonymité, mais le droit à l'expression. Donc, dans la conférence du 21 avril, donc je le rappelle, à la bibliothèque Gabriel Leroy, ça sera à 19h. Quand on parle d'éthique, on parle autant de la responsabilité de l'utilisateur que de celui qui met en place l'application, finalement. Parce que on peut dire oui, l'utilisateur choisit ou non de partager justement ses positions de géolocalisation, par exemple, mais il y a des fois où il y a des limites. Oui, bien sûr. En fait, ce qui est intéressant, c'est que on a ça va un peu plus loin, hein. C'est-à-dire que d'une certaine façon, il y a on est en partie responsable de ce partage de données de géolocalisation, hein, à nous de décider si on se promène avec un appareil mobile ou non, avec un téléphone intelligent ou non, par exemple, ce qui est évidemment une source de données extrêmement importante, et on ne sait pas toujours par qui ces données sont utilisées et pour quelles raisons, avec quels objectifs, mais maintenant on est à l'ère de dispositifs qui permettent l'identification d'individus, même si ceux-ci n'ont pas de ce genre d'appareil. Donc je ne sais pas si vous avez vous collectionnez maintenant vos photos en version numérique sur votre ordinateur, mais votre ordinateur peut vous demander est-ce que cette photo c'est bien une photo de, par exemple, votre père ou votre sœur ou vous-même, et là vous dites oui, et évidemment l'ordinateur devient s'adapte et devient meilleur en meilleur pour identifier les personnes que vous photographiez. Ben, mm-hmm. Le même système, évidemment, peut être reproduit dans l'espace public et identifié simplement par les traits physiques, les individus qui s'y trouvent. Donc, ça peut aller assez loin, là, cette identification dans l'espace. Et j'imagine tout ça dans un contexte où l'information, Patrick Surmel, qui est rendue, qui est utilisée ou qui est repérée, qui est cherchée, n'est pas nécessairement propriété non plus d'institutions publiques, mais peut-être aussi d'entreprises privées. Donc, j'imagine que les enjeux sont pas les mêmes non plus quand l'information tombe au privé ou tombe au public. Ben, évidemment, ça, c'est une autre question importante que je discuterai jeudi, mais il y a cette question de savoir par où transitent les données, même lorsqu'il s'agit de données recueillies par des administrations publiques, par exemple les administrations municipales, recueillies par ces administrations auprès des citoyens ou pour usage public, même dans ces cas-là, les données peuvent transiter par des dispositifs privés ou peuvent être entreposés par des firmes privées. Et là, il y a encore cette question de savoir, mais qu'est-ce que peuvent faire ces entreprises avec ces données? Quel est le contrôle du public sur ces données? À qui appartiennent les données? Il y a toute une question du droit de propriété des données. Est-ce que si la municipalité recueille des données à mon sujet, elle devient propriétaire de ces données? Est-ce que les entreprises privées deviennent propriétaires des données qui me concernent lorsqu'elles le recueillent suite à des activités numériques de ma part, par exemple? Donc ça pose toute une série de questions drôlement importantes, surtout lorsqu'il est question de l'utilisation de dispositifs numériques par les administrations publiques. Parce que on présume normalement, lorsque les administrations publiques recueillent des données sur nous, qu'elles protègent ces données, mais c'est pas toujours le cas dans la situation où la ville dépend de fournisseurs externes pour le transit ou l'entreposage de données. Donc, à la limite, en fait, même si on globalise un peu, parce que quand on nous parle de ville intelligente, évidemment, on met beaucoup l'accent sur les avantages, sur les idéaux aussi qui sont rattachés, bon, participation citoyenne, démocratie et le reste. Mais il y a un risque de perversion de ces idéaux si, justement, les moyens qu'on met en place sur le terrain sont pas dans le respect des objectifs, des grands objectifs qu'on s'est donnés au départ. On pourrait dire ça, oui, tout à fait. Donc là, c'est sûr que je pense qu'il est... Il est trop tard aujourd'hui pour dire bon ben la ville intelligente c'est trop risqué, il faut revenir en arrière, on ne peut plus revenir en arrière, on est à un point où le numérique occupe énormément de place dans nos vies, il y a même une intégration de plus en plus évidente entre notre identité physique et notre identité numérique. Donc là la situation est d'une certaine façon irréversible et je pense que ce n'est pas qu'un problème. Il y a de fait du bon, il y a des bienfaits associés à cette ville intelligente. La seule chose, c'est que il faut aussi prendre conscience des risques éthiques importants associés aux différents bienfaits qui touchent à la question de l'efficience, de l'efficacité, du développement durable, de la démocratie. Il y a toujours un revers. Le risque d'un revers éthique je ne sais plus exactement comment construire cette phrase, mais disons qu'il y a toujours un risque éthique là derrière pas pour autant négligeable. Oui, en fait, l'idée, c'est que d'une certaine manière, quand on parle de services aux citoyens, par exemple, on peut pas dire ben la démocratie est remplacée par des algorithmes, par des analyses, où on est en mesure de bien cerner, de bien cibler en prenant des mesures, ben quels sont les besoins des citoyens et mettre en application. Mais il faut aussi garder une part de démocratie. Il faut il y a les préoccupations, si on peut dire, dans l'intégration de ces éléments-là au système en place. Oui, ben, il faut. Je donne un dernier exemple. Si du point de vue de la question de la démocratie. Il y a donc la ville intelligente est souvent vendue entre autres sous à partir de cet idéal d'avantage d'information citoyenne et de participation démocratique. Donc les villes par exemple ouvrent leurs données qui sont accessibles aux citoyens qui peuvent prendre la mesure des décisions de leur municipalité, s'informer à propos des décisions de l'administration publique, qui peuvent réagir également. Hein. On dit que la ville intelligente permet notamment une certaine externalisation de l'évaluation. Donc, les citoyens peuvent réagir directement à la décision de leur ville, les encourager en un certain sens. Mais là, c'est pas tous les citoyens. Hein. C'est des citoyens qui c'est les citoyens qui ont accès d'abord à ces aux plateformes, et c'est surtout et ce n'est pas pour se prononcer sur n'importe quel sujet, c'est pour se prononcer sur sur les enjeux spécifiés par les plateformes. Ben, évidemment, ça pourrait être bien plus ouvert, mais disons que ça il y a cette crainte d'encourager une certaine forme de démocratie entièrement modérée par l'administration via des plateformes numériques, en même temps que l'on réprime de plus en plus les formes disons plus marginales de manifestations démocratiques, par exemple celles qui se trouvent dans les espaces publics physiques, à un point tel où on peut se demander si l'idéal d'une partie participation démocratique numérique ne vient pas légitimer le fait de ne plus avoir à considérer la participation démocratique dans l'espace physique. C'est une autre question que je discuterai un peu plus en détail jeudi. Mais donc on l'entend, il y a beaucoup d'enjeux encore éthiques pour la ville intelligente. C'est bien tout cela que vous allez survoler lors de la conférence ce jeudi 21 avril. Voilà. Bon, rien d'autre à ajouter, donc. Garde des surprises. Ben, c'est bon. Et Patrick Turmel, donc, je rappelle, professeur de la faculté de philosophie à l'Université Laval, merci beaucoup. Merci à vous. Et je rappelle aux auditeurs, auditrices, en fait, la conférence s'intitule « Les enjeux éthiques de la ville intelligente ». C'est jeudi, donc 21 avril, 19h, à la bibliothèque Gabriel Leroy, l'entrée est libre. Et si les gens veulent avoir un peu plus d'informations sur l'activité, mais c'est sur itis.ulaval.ca. Merci beaucoup, Raymond Poirier. Ça fait plaisir. On se retrouve lundi prochain pour une autre chronique technologie d'information. Dans quelques instants, on revient au Théâtre Petit Champlain. Il fait briller sa lame devant la cage au four. Elle, devant un mur de flammes, se gave de guimauve. Lui, de l'acier du couteau, refait la trajectoire. Elle, en attendant l'assaut, fume un dernier cigare. Il ne faut pas que ses mains tremblent. Il ne faut pas que ses mains tremblent. Lui se poudre les cheveux, relève le menton fier. Elle, devant l'écran de feu, petite poupée de chair. Lui, d'un foulard de nylon, attache sa guerrière. Elle, en claquant des talons, lui redit sa prière. Il ne faut pas que tes mains tremblent. Oh non, il ne faut pas que tes mains tremblent. Elle, contre son corps pâle, ferme doucement les yeux. Lui, sans son cœur qui s'emballe, refait ce même vœu. Il ne faut pas que mes mains tremblent. Il ne faut pas que mes mains tremblent. Il ne faut pas que mes mains tremblent. Il ne faut pas que mes mains tremblent. Et puis il boit un verre pour se donner la force. Allez, encore un verre. Bombe légèrement le torse. Il ne faut pas que mes mains tremblent. Oh non. Il ne faut pas que mes mains. Ça sent la pomme d'amour, ça sent le chamallow. Les nuits sur son amour, allant sur son couteau. Ça sent les gaufres au miel, ça sent les crêpes au beurre. Et l'amant de sa belle a transpercé le cœur. Et l'amant de sa belle a transpercé le cœur. Il ne fallait pas que ses mains tremblent. Il ne fallait pas que ses mains Clarica et la Maison Tellier, c'était la cible à CKRL. Et on retourne du côté du Théâtre Petit Champlain pour vous parler un peu plus amplement du spectacle Tout Sauf Bieber. Ça sera présenté demain, donc à 19h30. On a parlé avec le directeur artistique William Sévigny tantôt, et pour ne rien vous cacher, on aurait dû être avec deux étudiants du Cégep Sainte-Foy au moment de cette entrevue, mais on les reçoit maintenant. Alors, Andréane Bouchard et Samuel Caillé, oui. C'est bien cela. Bonjour à tous les deux. Hello. Parlez bien proche du micro, surtout. J'imagine première scène du théâtre Petit Champlain demain. Ouais. C'est la première fois. Donc première entrevue aussi peut-être. Ouais, plus ou moins pour ce spectacle. Tout Sauf Bieber. Il paraît que c'est vous qui avez choisi le titre de ce spectacle. Moi, j'étais pas vraiment là à ce moment-là. C'est plus vous autres qui avez choisi. Je sais pas comment ça s'est passé. Ben, on avait fait une petite réunion. Puis là, on parlait de nos thèmes communs, puis nos passions communes. Puis ça, le thème Tout Sauf Bieber avait ressorti gagnant un peu. Mais ça veut dire que personne écoute Justin Bieber dans le comité, ou non, c'était vraiment pour faire un petit clin d'œil? Ben, au début, c'était une petite blague. Puis finalement, comme on a tout trouvé que la blague était drôle, on a dit oh, on va l'étirer, puis on va le faire durer jusqu'au spectacle, puis on va la communiquer avec les personnes. Fait que c'est un peu pour ça. C'est pas parce qu'on n'écoute pas nécessairement Justin. Bon, en tout cas, le titre est accrocheur. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a attiré l'attention quand je me promenais sur le site du théâtre Petit Champlain. Donc, c'est tout à fait réussi pour ça. Merci. Pour les reprises que vous allez interpréter demain, justement, parlez-nous un petit peu des chansons que vous allez interpréter. Donc, Andréane, par exemple, je sais qu'en plus, tu joues de plusieurs instruments. Ouais, ben dans le fond, je fais une tourne de Paramore qui est vraiment plus band. Dans le fond, j'ai d'autres personnes avec moi dans notre groupe qui va faire la guitare, qui va faire la bass, qui va faire le drum. J'ai une autre chanson aussi, Ressac sur ta peau de Philippe Braque, qui est vraiment plus acoustique. Je suis accompagnée d'une personne, j'ai ma guitare puis je chante en même temps. Fait que, mais en général, le spectacle, il y a de tout. Ça passe du Zaz au Nirvana, ça. On m'a dit Marilyn Manson aussi. Oui. Ah ben dis donc. Mais ça, vous ne chantez pas sur des bandes son, si je comprends bien. Il y aura tous les instruments sur scène. Ça, c'est quand même assez rare pour un spectacle d'étudiants. Ouais. Donc bravo pour ça. Samuel, merci. Toi, qu'est-ce que tu vas interpréter? Moi, je suis plus dans le côté Claude Bégin, avec accompagnement à la guitare par Andréane, qui fait aussi des harmonies dans la chanson. Fait que c'est vraiment un côté acoustique que j'aime beaucoup là. Ce que j'aime beaucoup dans vos choix, c'est qu'il y a quand même une place à la chanson québécoise actuelle. Oui, il y en a quand même pas mal. Ça me surprend moi aussi, en fait. Mais on est plusieurs à en avoir fait en français ou québécois. Oui. On avait un point. On voulait vraiment qu'on montre un peu notre personnalité, puis qu'on représente un peu le Québec aussi. C'était pour nous autres, c'était important. Mm-hmm. Totalement. Et en plus, William Sévigny, donc qui assure la direction artistique de ce spectacle, m'a dit qu'il ne vous avait rien soufflé dans les idées de chansons. Ça aurait pu venir de lui. Mais non, pas du tout. Ça reflète vraiment ce que vous écoutez actuellement, justement, dans les chanteurs québécois que vous avez choisis aussi. Il y aurait qui d'autre? Dans les chanteurs québécois, je pense que ça, pour les chanteurs québécois, c'est pas mal de tout ce qu'on a. Mm-hmm. Ouais, Zaz, Braque, puis Zaz est française, mais c'est de la chanson francophone. Oui, ouais, c'est ça. Sinon, tout le reste, c'est en anglais quand même. On a environ 16 chansons, fait qu'on a à peu près 5-6 dans le maximum qui sont en français, puis les autres sont en anglais. Mm-hmm. C'est quand même une belle représentation pour un panel étudiant, donc là-dessus, ça va. Comment ça se passe les pratiques? Vous pratiquez combien de fois par semaine? On n'avait pas vraiment d'horaire fixe. On avait juste des journées d'annoncer. Et on avait des intensives comme des soirées à partir de 6 heures après le cégep jusqu'à 9 heures le soir. Puis Quand même? Ouais. Vous restez longtemps au cégep alors? Vous passez beaucoup d'heures là-bas? Ouais. Plus que chez vous? Mais c'était le fun. C'était pas une tâche vraiment. Ouais. C'était une activité. Là. Ouais, c'est une passion commune. Là. Ouais. On aime tout ça, ce qu'on fait. Fait que ça ne dérange pas de finir plus tard le soir. Là. Quand on est ensemble et on chante, on voit pas le temps passer. Fait que c'est vraiment ça qui est la magie là-dedans. Là. Pourquoi avoir choisi de participer à ce projet? J'imagine il y a la passion pour la musique, c'est sûr, mais de vous investir autant, parce que vous venez de le dire, je sais pas à quelle heure vous commencez le cégep à chaque fois, mais si vous y restez jusqu'à 21h, vous rentrez chez vous juste pour dormir, quasiment. On va dire ça comme ça. Donc, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous investir dans ce projet? J'ai embarqué vraiment tout de suite, moi, quand j'ai entendu parler du projet, parce que je trouve ça tellement que c'est une belle expérience, puis c'est une belle occasion aussi, c'est quelque chose que on n'a pas vraiment l'occasion de vivre, de se faire proposer un projet comme ça, je trouve ça exceptionnel. Là. Puis ça nous fait rencontrer d'autres mondes, ça nous fait vivre, connaître d'autres styles de musique aussi, puis c'est vraiment, vraiment génial. Ouais, en écoutant les autres. Toi, Samuel? Ouais. Moi, c'est parce que je l'avais vu un peu sur à l'école, des fois, il y a des petites publicités, puis là, j'ai dit, ah, ça a l'air trippant, ça, c'est quelque chose que j'avais jamais vu. J'ai dit, c'est une expérience à tenter, puis... Plus on est fou, plus on rit. Fait que on essaye. Okay. Mais en plus, théâtre Petit Champlain, vous savez qu'il y a des artistes qui attendent des années avant de le faire professionnellement. Vous allez le faire demain. Bon, je ne veux pas vous remettre une coupe de pression, mais quand même, vous mesurez cette chance. Oui, c'est un grand honneur, je trouve. Oui, vraiment. Mmh. Fait que... Bon, il n'est pas là. On aurait dû l'avoir au téléphone en même temps que vous. William Sévigny, le travail avec lui, justement lui qui est auteur, compositeur, interprète. Il a fait l'École nationale de la chanson de Granby. Il a fait La Voix. Il travaille sur son deuxième album. Vous vous rendez compte aussi de la chance que vous avez de travailler avec lui. Oui. Comment ça s'est passé, le travail avec William Sévigny? Il est tellement ouvert, William. Il est super le fun. Il nous guide vraiment beaucoup. Il nous a appris tellement de choses en peu de temps, parce qu'on s'est quand même pas... J'ai pas l'impression qu'on s'est rencontrés tant de fois que ça. Puis, pour avoir déjà suivi des cours de chant, des choses comme ça, c'est incomparable à ce que William nous a montré. Là. C'était vraiment différent. Mais comme quoi, par exemple? William nous a montré beaucoup de techniques, surtout sur l'interprétation, moi, personnellement. C'est quelque chose que j'avais vraiment beaucoup de misère, puis que j'avais jamais vraiment songé à travailler quand je faisais des chansons, quand j'interprétais des chansons. C'est vraiment le fun que William soit capable de repérer nos faiblesses comme ça, puis de voir ce qu'on peut faire avec, nous faire voir ce qu'on peut faire avec ça. Mm-hmm. Samuel, de ton côté? Moi, c'était au côté beaucoup de l'émotion puis des respirations. T'sais, j'avais pas tant confiance en mes notes puis tout ça, puis il m'a appris vraiment à avoir confiance en moi, puis dire... Oui, tu sais, t'as la bonne note, t'es capable de pousser, puis affirme-toi, puis sur un stage, ben, dis-toi que c'est ta place, puis à la longue, ben, c'est devenu vraiment notre place à chacun de nous autres, puis à chaque fois qu'on monte sur la scène, c'est vraiment trippant parce que là, on ressent vraiment que c'est là qu'on devrait être, là. On se pose pas de questions, puis c'est grâce à lui, ça. Donc, sur la confiance en soi, beaucoup de travail, même si vous avez envie de chanter, c'est pas évident. Est-ce que vous êtes déjà allé chanter, là, sur la scène du Théâtre Petit Champlain, ou tout va se passer demain? Tout demain. Se passe demain. C'est quoi, il y a une générale l'après-midi? On n'a pas de générale. Vous n'avez pas de générale? Mais dis donc, comment vous allez trouver vos repères sur la scène? On se fait confiance, on se regarde. Fou. Ouais. Donc demain, c'est tout de suite sur scène à 19h30. Ouais. Donc ça ressemble à quoi votre journée? Vous allez quand même pratiquer un petit peu demain? On a pas mal toutes des cours à la journée en arrivant. Ça dépend. C'est vrai. Ouais. Je sais pas t'arrives à quelle heure, mais moi je pars du cégep à 4h. Je manque mon cours de 4 à 6h pour arriver à l'heure là-bas. Ouais, okay. Pour avoir le temps quand même de se mettre dans... dans la soirée. Ouais, ouais. Puis on a encore là, partir du cégep à 4 heures, hein, j'aurais pas beaucoup de temps pour me préparer, disons. Là. Mm-hmm. Mais c'est sûr que là, l'émotion, l'adrénaline, sur le coup, oui. C'est sûr que c'est ça qui va nous aider beaucoup. Là. Puis on mise beaucoup là-dessus aussi, là, mm-hmm. vu qu'on n'a pas eu beaucoup de répétitions avant pour pouvoir être stagé, mais on devrait être plus correct, ça va bien aller. Et l'esprit de groupe, j'imagine, oui. Vous êtes combien d'étudiants au final sur scène? On est 9. Ouais. Je crois qu'on n'est pas si nombreux que ça, finalement. Ouais. Non, mais on a de l'énergie, puis ça bouge. On est pas ça. Il faut le tenir, le spectacle, pendant 1h30 à 9. Ouais. Oh oui, on va le tenir. Quelque on chose. Va tenir. Ouais, ça va la marcher. Confiance en soi, c'est gagné. Hein. William, si tu nous écoutes, là, ils sont prêts. Alors, ça sera demain à 19h30. Évidemment, j'imagine que vous avez convié famille, amis. Ça va être un spectacle assez familial quand même. Ouais. Quand même. Mais il y a quand même du monde du cégep. On a parlé un petit peu dans nos cours, des trucs de même. Fait que bouche à oreille, ça a marqué qu'il y a beaucoup de personnes qui ont embarqué. Là. Ça va être trippant. Mm-hmm. J'ai vraiment hâte. Alors, grande satisfaction, j'espère, demain, déjà de chanter au Théâtre Petit Champlain, mais de faire ça le comble. Il y a une auditrice de CKRL qui a gagné sa paire de billets tantôt, qui va venir vous voir. Ouais. Donc, on a aussi offert ce cadeau-là. On en est très heureux. Je vous souhaite la plus belle des chances demain sur scène. Et je demandais à William, justement, si, à son avis, ça allait semer une petite graine en vous pour en faire votre métier. Réponse de votre côté, Samuel Andréane. Ouais. Je pense que ça, c'est vraiment une piqûre là. J'ai commencé à stager puis je capotais, je dis waouh, c'est ça que je veux faire. Fait que je pense que ça va marcher. Artiste solo, musicien. Autant tout seul qu'en groupe, c'est vraiment trippant. Fait que c'est vraiment différent, mais en même temps. Ouais, moi je préfère vraiment en groupe. Ouais. J'aime vraiment. Pour vrai, l'expérience de groupe là. Qui est de faire une carrière solo là. Alors, qui sait, ils vont peut-être partir un groupe à 9. Ouais. Qui sait, ça se fait. Hein, au Québec, il y en a quelques-uns. Bears of Legend, par exemple, qui sont nombreux. Ouais. Busty and the Bass aussi, qui nous viennent de Montréal. Bref, je vous laisse réfléchir à ça. L'idée a été lancée à CKRL si un jour vous devez me remercier. Merci à tous les deux. Merci à toi. Andréane Bouchard, Samuel Caillic, donc, qui seront sur la scène du Théâtre Petit Champlain demain. Ça sera 19h30 pour... Tout sauf Bieber, il est encore temps de prendre vos billets d'ailleurs sur le site du Théâtre Petit Champlain. Dans quelques instants, ben justement, on fait des critiques de spectacles qu'on a vus en fin de semaine. Oh là là, lolo. All right, salut tout le monde, ici Bernard Adamus, vous écoutez Stéréo Local avec Jessica Leb à CKRL, la meilleure émission en ville pour le retour. Salut Québec. Et oh là là, lolo. Les lundis à 18h30, CKRL présente l'émission littéraire Les bouquins d'abord. La librairie Pantoute s'associe avec l'équipe de chroniqueurs passionnés pour vous présenter leurs coups de cœur. La librairie Pantoute, une librairie indépendante, des libraires passionnés et plus de 50 000 titres à vous proposer. 1100 rue Saint-Jean, 286 rue Saint-Joseph-Est. Librairiepantoute.com. Audiolite. Bryston, Cambridge Audio, Denon, Dyn Audio, Focal, Grado, Lynn. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega. 50 ans de grandes marques et toujours spécialistes en son et images. Audiolite. 355 rue Marie de l'Incarnation. 418-687-9252. Audiolite.qc.ca. Pour inaugurer sa nouvelle ère de production, la Barberie vous invite à une activité porte ouverte. Vous pourrez apprécier nos nouvelles installations et converser avec notre équipe de production qui se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. De la plus simple... C'est toi qui brasses demain? À la plus complexe. Quel est le pH de votre colche pendant la saccharification? Bienvenue à notre activité porte ouverte le mardi 19 avril de 15h30 à 19h. Allons voir les détails à labarberie.com. Le Cécile Ramon est fier de vous présenter Paul Deslauriers Band en spectacle. Yeah, you got to give your love to me. Fier récipiendaire de 13 Liz Blues et de plusieurs Maple Blues Awards, le Paul Deslauriers Band se produira un soir seulement à Québec. Et c'est chez Cécile Ramon que cet événement blues d'envergure aura lieu. All I want is something true. Le 6 mai prochain, vous avez rendez-vous avec un groupe phare du blues canadien. Les billets sont en vente chez Cécile Ramon au coût de 15$ plus taxes en pré-vente et l'admission régulière est de 20$ plus taxes. Pour information et réservation, 88-681-7625 ou sur cécileramon.com. Vous Vous écoutez CKRL 89.1. Now, à CKRL, bon après-midi à tous, 17h07 dans Stéréo Local. C'est l'heure pour nous de parler des spectacles qu'on a vus en fin de semaine. Alors, je suis avec Sarah Bélanger-Martel. Salut Sarah. Bonjour. Et également Mélanie Florent qui nous rejoint dans cette émission pour parler théâtre. Salut Mélanie. Excuse-moi, j'ai même pas allumé le bon micro pour cette première. Bonjour Mélanie. Bonjour Jessica. Bon, alors on va commencer avec les nuits psychédéliques. Sarah, tu vas nous en parler. Peut-être qu'on fera un petit détour par là. l'aborder pour parler de qui, je me souviens jamais du titre, qui a tué Virginia Woolf. Qui a peur. Qui a peur, oui, voilà. Exactement. Merci Mélanie. Et on reviendra aux nuits psychédéliques. Ça vous va comme ça? Oui. Parce que les nuits psychédéliques, c'est un très très large programme. Tu as couvert 6 spectacles, Sarah. En fait, une seule soirée, la soirée 3 de 4, les nuits psychédéliques de Québec, c'est un festival qui en est, si je me trompe pas, sa 3e édition. Et c'est un espèce de rendez-vous annuel qui est vraiment, dès la première édition, ça a fait tout un tabac. Les gens qui étaient là en ont vraiment profité. Puis ça fait boule de neige à chaque année. Je pense que maintenant ils ont changé de d'endroit aussi. Donc au départ c'était au Cercle, là. Cette année c'est rendu à Méduse dans la salle multi. Et vraiment c'est une espèce de festival où en plus de la musique évidemment inspirée du néo psychédélique. Donc il y a toutes sortes de, je vais vous en parler. C'est assez éclectique aussi comme choix, assez diversifié, mais toujours avec un certain lien avec le courant psychédélique. Mais c'est surtout un festival où il y a vraiment un décloisonnement entre différents types d'art. Donc, il va y avoir de la musique, mais aussi des projections, du travail vidéo. Il y a des artistes qui vont faire des décors particuliers pour les soirées. Donc, c'est vraiment une expérience un peu totale. Et ça fait des soirées vraiment endiablées. Alors, moi, j'ai eu la chance cette année d'assister seulement à une des trois. Et c'est celle-là dont je vais vous parler. Mais quand même, dans cette soirée-là, on a eu droit à 6 spectacles différents. Alors, ouais, toute une soirée. Ça. Donc, 6 artistes, 6 groupes, c'est pour ça que je parlais de 6 spectacles. Est-ce que c'est des artistes du Québec ou qui viennent d'ailleurs aussi? On a eu la chance d'avoir beaucoup d'artistes du Québec. Ben, beaucoup d'artistes. Il y a quand même, je vous dirais, rapidement, 3 sur 6 qui étaient du Québec. Sinon, on avait des gens qui étaient de Toronto. Et on a eu des gens qui sont venus de New York et de la Virginie, d'un coin rural de la Virginie. Donc, ça quand fait même assez le tour. Et peut-être qu'on aurait pu avoir plus de présence locale, mais je vous avoue que j'ai pas été aux autres soirées, alors que je voudrais pas commenter l'ensemble de la programmation. On va se concentrer sur cette soirée que tu as couverte. C'était vendredi soir? C'était vendredi soir dernier, oui. Alors, on a commencé avec qui? En fait, la soirée, le concept dans les nuits psychédéliques, ils vont jamais nous donner à l'avance l'ordre des groupes. Mm-hmm. C'est toujours un peu une surprise, puis ça participe à vraiment l'excitation que les gens ont à y aller, parce que il y avait des gros noms ce soir-là. C'était probablement la soirée la plus attendue, je vous dirais, des quatre soirées. Il y avait Soons, dont je vous ai parlé vendredi dernier, j'ai fait la critique de leur nouvel album, mais il y avait aussi dans les autres groupes de Montréal, Pang Attack. Il y avait Richie Dyr qui, lui, est assez connu là, pour être dans le groupe Elephant Stone de Montréal aussi. Et ça, c'est son projet solo qui est venu présenter. Il y avait Jonathan Gatt qui était venu au OFF l'année dernière et qui a fait vraiment une prestation dont je vais vous parler un petit peu plus. Et comme on savait pas l'ordre à l'avance, c'est ça qui était intéressant, c'est qu'on arrivait là et là, on se faisait surprendre par de la musique assez différente. Alors, ça passait du groupe, soit de la sitar avec Richie Dyr, ou du rock presque metal punk, je vous dirais, l'objet un peu étrange qui est Buck Gutter, et même le pop rock dansant de Moon King. Alors, c'était assez varié, je vous avoue que il y a eu des belles surprises. Entre autres, moi, je vous dirais que le choix de présenter un spectacle de Richie Dyr, qui est à l'intérieur de Elephant Stone, qui fait du rock psychédélique depuis plusieurs années, là, depuis quand même 2009 que ça roule, ce band de Montréal-là. Mais là, c'était son projet solo à la sitar, et c'était vraiment ce que lui décrit comme du solo acid house raga sitar. C'est vraiment... Ouais, c'est cool. Et c'était particulier dans le band, ça fitait vraiment bien avec la thématique psychédélique, mais c'est un choix assez audacieux aussi, je vous dirais que je pense que la plupart de l'audience est restée assez surprise, mais a vraiment embarqué dans cette ambiance-là. D'ailleurs, il y a un très bon vidéo qui a été tourné. Il y a une belle documentation qui est faite durant les nuits psychédéliques. Vous irez voir sur leur page Facebook. Il y a un très bon vidéo de presque 5 minutes où on voit la prestation de Richie Dyr et ça vous donne vraiment une idée de ce que c'était comme musique. C'était vraiment intéressant. Et donc, il y a eu Pang Attack pour commencer, Richie Dyr et ensuite Buck Gutter. Et puis ça, je tiens à en parler parce que moi, c'est vraiment pas habituellement, je voudrais, mon genre de musique. Comment décrire ce groupe? Eux se décrivent eux-mêmes comme faisant du blues du noise industriel. Mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait une âme super punk dans cette musique-là. Et c'est un peu surprenant parce que les deux, c'est un duo, en fait, deux hommes un peu plus âgés que la moyenne des gens qui étaient dans la salle, dont un des deux qui est vraiment particulièrement plus âgé que l'autre. Et la rumeur courait même dans la foule ce soir-là que c'est son père, c'est un père et son fils. Et puis là, tout le monde était super attendri de... C'est du bon métal très punk, là. C'était quelque chose de vraiment plus élevé. Mais en fait, la légende était fausse, d'après ce que j'ai trouvé sur le net, parce que j'ai fait mes recherches. Est-ce que t'as fait la recherche, finalement? J'ai fait la recherche. En fait, ils se sont connus en travaillant dans le même restaurant, quelque part en Virginie. Et puis, c'est quelque chose de super dépaysant, parce que contrairement aux autres bands qui avaient été programmés, qui sont très en vogue dans la vague du indie rock, ça, c'était comme une espèce d'ovni un peu différent. Il y avait une énergie qui était très punk, mais ils font pas dans les courants qu'on entend habituellement à l'heure actuelle. Donc, il y avait un petit quelque chose de décalé, mais il y avait vraiment une belle énergie, quelque chose de très viscéral, très authentique, très abrasif, très primal. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bon. Alors, j'ai été surprise d'apprécier. C'est une super bonne prestation. Et donc, une belle venue d'ailleurs, hein, puisque tu le rappelles, ils nous viennent de Virginie. De Virginie, exactement. Et même de Virginie rurale, par exemple. Important de le préciser. Ouais, voilà. Et puis, c'est certain que j'étais venue vous parler vendredi dernier de Soons, qui est un groupe qui a une bonne renommée. J'attendais avec beaucoup d'anticipation ce spectacle-là, qui était très bon, mais il est venu après le spectacle de Jonathan Gatt. Et Jonathan Gatt a vraiment, je vous dirais qu'il a volé le show pour moi cette soirée-là. J'avais vu Jonathan Gatt au Off l'année dernière. J'en étais ressortie comme un peu tout le monde, complètement abasourdie par l'avalanche de sons qui nous arrive. Jonathan Gatt, c'est un groupe, en fait, dont le chanteur, guitariste était avant dans Monotonix. Je sais pas si vous connaissez ce groupe-là. C'est assez, ça part de tous les côtés un petit peu trash, mais l'aspect psychédélique est très, très là. Jonathan Gatt, ça c'est son nouveau projet avec un batteur qui complètement mitraille la foule, parce que la foule est, en fait, c'est la particularité des spectacles que j'ai vus de Jonathan Gatt. La foule est autour des joueurs. Donc, vraiment, là, on s'assemble. C'est comme si la scène est installée au centre même de la foule. Et ça, c'est vraiment particulier. Ça nous permet d'absorber l'énergie. On voit les musiciens de très, très près. Et ça fait quelque chose de vraiment particulier où là, on reçoit la musique en plein visage. Et c'est très rapide, très psychédélique aussi. Alors, moi, ça a été vraiment, encore une fois, un gros coup de cœur. Mais je vous avouerai qu'une fois le spectacle passé, j'en avais les oreilles complètement saturées. Et c'est peut-être ces méga soirées, ce sont des marathons, en fait, quand on parle de 6 groupes un après l'autre. Oui, c'est beaucoup. C'est un marathon de son. J'allais te demander combien de temps ils jouent chacun, au final. Mon Dieu, le concert a vraiment commencé à l'heure. Donc, ça a commencé vers 9h et on est sorti de là vers 1h30, 2h, là, je vous dirais. Donc, ça a roulé. Ils jouent facilement 45 minutes chacun. Oui, c'est vraiment c'est pas des mini concerts. Puis ça, souvent, c'est un peu le problème qu'on a avec certains festivals. C'est on reste sur notre faim parce qu'ils vont nous jouer 3-4 tunes, puis that's it. Mais là, dans ce festival-là, ils ont vraiment donné la place à chaque musicien, à chaque groupe de faire une vraie performance, de faire une vraie prestation. Et puis, pour ça, c'est réussi. Mais par contre, moi, je questionne le fait d'avoir mis Jonathan Gatt en plein milieu comme ça, parce que personnellement, puis je pense que les autres personnes autour de moi aussi, on est obligé de sortir dehors, on est obligé de prendre une marche, d'avoir un peu de silence dans les oreilles, parce que c'était ce tsunami de son là, c'est dur à suivre. Est-ce que ça aurait dû être justement au final? Moi, j'aurais programmé ça à la fin, parce que c'est je vous dirais, ça vient chercher le summum de son qui est possible. C'est vraiment là, très, très, très rapide. Très. D'ailleurs, si jamais on pouvait entendre un extrait, peut-être que ça vous donnerait une idée. Totalement, elle est prête. Donc, c'est la chanson que tu as choisie, ton coup de cœur, Gold Rush. Gold Rush, oui, ouais. De Jonathan Gatt sur le dernier album qui s'appelle Director. Alors c'est vrai que déjà sur album, on a l'impression que ça ne s'arrête jamais, Sarah. Donc c'était la même ambiance, voire mille fois plus. Oui, mille fois plus. Je pense que si jamais vous avez la chance de voir un spectacle de Jonathan Gatt, il ne faut pas manquer ça. Et puis peut-être juste dire quelques mots sur les deux autres groupes qui ont suivi Jonathan Gatt. Donc Suns, évidemment, qui ont fait une bonne prestation, qui était super attendue. Et je pense qu'elle aurait profité peut-être de ne pas se situer juste après la bombe atomique de Jonathan Gatt. Et puis pour terminer, on a eu Moon King qui est un groupe de pop rock de Toronto, seule femme de la soirée. Ça c'est peut-être ça un autre petit bémol pour une programmation qui est aussi riche. Je peux pas commenter l'ensemble de la programmation, mais c'était très des bands de gars. Et okay. Pourtant la foule était très très très féminine aussi. Alors je pense que pour la programmation, pour avoir une petite attention qui est portée, avoir un petit peu plus d'équilibre dans ce sens-là. Mais j'ai beaucoup aimé Moon King, qui est une musique un peu sans prétention, c'est ça charme mais en douceur. Alors je pense que ça va être quelque chose à découvrir. J'ai hâte de suivre un peu leur parcours. Et puis pour terminer, peut-être je vous dirais ce qui fait vraiment la différence des Nuits Psychédéliques avec d'autres concerts à Québec ou d'autres festivals, c'est la place qu'on donne aux arts visuels. Et là ils sont vraiment allés chercher un top psychédélique dans le monde. Ils sont allés travailler avec Mad Alchemy, qui est un Californien qui a appris de l'époque psychédélique. Il était là lui-même, probablement le seul dans la salle qui était là à cette époque-là, et puis qui fait des projections extraordinaires avec des rétroprojecteurs et des assiettes et du liquide et de l'encre et tout ça. Alors, l'année prochaine, là, malheureusement, les Nuits Psychédéliques sont terminées. Je pense que le marathon a pris fin. Il y en a qui ont participé aux 4 soirées très fort. Alors, l'année prochaine, manquez pas ça, le rendez-vous. Et puis, si vous voulez voir les images ce que vous avez pu apprécier ou peut-être ce que vous avez manqué, vous pouvez aller voir sur leur page Facebook. Très belles photos. Les Nuits Psychédéliques, donc, à suivre. Merci, Sarah. Mélanie, côté théâtre, c'était peut-être un peu plus calme au théâtre de l'Abordé. Un petit peu plus calme, mais aussi, on tombe dans un tout autre registre. On n'est pas dans le côté psychédélique. On est vraiment dans la manipulation. J'ai été voir Qui a peur de Virginia Woolf, qui est présentée à l'Abordé. Donc, c'est une mise en scène qui est faite par Hugues Frenette. Je crois, si son CV est à jour, je crois qu'il en est à sa 6e production. Donc, vraiment, on m'a transportée dans l'univers des années 50-60. Et puis, c'est avec... pour vous résumer, je vais commencer par vous résumer l'histoire. Ça se passe vraiment après une soirée bien arrosée. C'est vraiment Martha et Georges qui sont un couple dans la cinquantaine, fin quarantaine, début cinquantaine. Et puis, suite à ça, le père à Martha qui est en charge de l'université où est-ce que Georges travaille, propose à ce couple-là, à sa fille, entre autres, d'inviter, après la soirée, vers 2h du matin, ça a été bien arrosé, mais d'inviter un couple qui sont dans la vingtaine, trentaine, mi-vingtaine, début trentaine. En tout cas, plus jeune que le... Oui, beaucoup plus jeune. Mm-hmm. Et puis, c'est là où est-ce qu'on va avoir droit, où est-ce que c'est vraiment une joute, où est-ce que tous les coups sont permis. Mm. C'est-à-dire qu'on parle de mensonges, de vérité, on ne sait pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. La manipulation, la jalousie, le complot, la violence, l'humiliation, on va vraiment dans toutes ces phases-là, mais avec une petite pointe d'humour, avec un côté dramatique, donc on sait pas où est-ce qu'on s'en va. Mmh. Au travers ça, il y a Martha et Georges qui sont interprétés par Lorraine Côté et Normand Bissonnette, et vraiment j'aimerais vraiment ça parler de ces deux comédiens-là qui sont fabuleux. J'ai vraiment trippé sur eux, là. Ils sont solides. Ils sont vraiment solides. Ça fait partie de mes coups de cœur. Mm-hmm. Lorraine Côté, qui interprète une Martha qui m'a fait oublier Maude Guérin, si on se rappelle, il y a quelques années. Elle s'est charmée. On peut pas la détester, mais on peut pas l'aimer. On est vraiment mitigé entre les deux. Donc, c'est vraiment, là, c'est mon coup de cœur de la soirée. Et puis, Normand Bissonnette, qui, lui, de son côté, semble être vraiment manipulé par sa femme, mais en même temps aussi, on voit qu'il prend part au jeu de « je vais te manipuler ». Et puis, tout ça, c'est sous les yeux de Nick et Honey, qui sont le jeune couple, qui sont interprétés par André Robillard et Élodie Grenier. Élodie Grenier, de son côté, je la découvrais. C'est une nouvelle comédienne que je ne connaissais pas. Et puis, c'est vraiment une fraîcheur. C'est bien de voir son interprétation. Il y a quelques choix au niveau de la mise en scène qui sont à discuter. Mais par contre, puis il y a Nick aussi qui est interprété par André Robillard. Je dirais peut-être à ce niveau-là, au niveau, on sentait, quand je suis allée voir, c'était jeudi dernier. Donc, c'était la troisième représentation. Il y a peut-être un côté un peu trop technique qu'on sentait. On sentait pas le côté fluide dans l'interprétation. Mais par contre, j'ai vraiment, il faut dire là que c'est une pièce qui dure 2h50 avec entracte. Ouais, donc c'est long, hein? C'est ouais. Très long et c'est très lourd aussi. Les quatre personnages sont là du début à la fin. Le jeune couple de Nick et Honey arrive dans les 20 premières minutes, même pas. Mm-hmm. Donc, on voit que c'est... C'est un marathon aussi pour les acteurs et pour les comédiens aussi. C'est là. Tout un marathon. Mm-hmm. C'est du in and out. On voit vraiment les gens... Les gens dans la salle, je les entendais aussi murmurer. Ils savaient pas, est-ce que je dois rire? Est-ce que je dois pas rire? Est-ce que... Donc, on nous amène dans un univers qui est... On nous barouette un petit peu, là. Et ça, c'est le texte qui fait qu'on on est gêné, on est mal à l'aise à certains moments. Le texte, mais aussi au niveau de l'interprétation. Où est-ce que j'ai certains petits bémols? C'est, par exemple, si on prend le personnage de Honey, à un moment donné, elle pleure, mais c'est vraiment du gros sanglot. Et puis... En même temps, il y a aussi le personnage de Georges qui dit qui annonce une grosse nouvelle à Martha. Et Martha, on peut pas voir Lorraine Côté, justement. On est comme un peu distrait par les sanglots qu'on entend tout le temps derrière. Donc, c'est comme s'il y avait deux scènes, une à côté de l'autre, qui se jouaient. Et puis, on perd toute l'essence du personnage, qui est vraiment, pour moi, le personnage principal, c'est Martha. Mm-hmm. Donc, on perd cette énergie-là, on perd l'émotion. On la voit, Lorraine Côté, qui vient les yeux pleins d'eau, qui est émue, qui vient de recevoir une tonne de briques par la tête. Puis tout ce qu'on entend, c'est les sanglots en arrière. Donc ça, il y a peut-être des choix de mise en scène. Mais sinon, c'est une belle soirée qu'on passe. On s'attache, comme je disais tout à l'heure, à Martha. On s'attache à Georges. Honey nous fait rire aussi, là. Je dirais que c'est les trois personnages qui sont venus m'interpeller. Mm-hmm. Le sujet de la pièce qui parle des... Je trouve que c'est... Même si ça se passe... À l'époque des années 60, où est-ce qu'on n'avait pas le choix, on divorçait pas, ça reste que ça, c'est encore d'actualité parce que ça nous fait réfléchir à savoir est-ce qu'on a envie d'être en couple? Est-ce qu'on est en couple pour les bonnes raisons? Mm-hmm. Est-ce qu'on joue dans ce jeu-là? Parce que encore aujourd'hui, il y en a qui vont jouer de manipulation dans certaines sphères de leur vie. Mm-hmm. Donc, est-ce qu'on a envie d'aller là-dedans? Ça nous fait quand même réfléchir. C'est vraiment aller voir ça, l'aborder. C'est jusqu'au 7 mai. Et puis les représentations, là, plus ça va aller, plus ça va, la machine va être rodée, là, plus mm-hmm. ça va fonctionner. Donc, et donc n'ayez pas peur des 2h25 de représentation. 2h50. 50. Avec l'entracte. Mais exact. C'est quand même, oui, on est à 2h30 là de pièces de théâtre à regarder, mais ça passe tellement vite quand même, là, on s'en rend pas compte. Alors, Mélanie Florent, merci beaucoup. Bien, merci à toi, Jessica. On rappelle, donc, Qui a peur de Virginia Woolf, présenté jusqu'au 7 mai à l'aborder, effectivement. Merci à Sarah Bélanger-Martel également, merci. Qui nous a parlé des nuits psychédéliques. On se retrouve dès demain à la Ninkasi Saint-Jean. Si vous voulez nous rejoindre, c'est dès 15h30. Mariem sera avec nous, ainsi que Fanny est partie. On aura le lancement de Conrad Hamelin, artiste de country, qui sera là demain à 17h. Alors, je vous souhaite une très, très belle soirée. C'était Jessica Leb au micro de CKRL. Je cède la place maintenant à Robert Boisclair pour Les Enfants du Paradis. C'est votre émission danse et théâtre à CKRL. Bonne soirée. Téléchargez l'émission stéréo locale sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. À CKRL, on est fiers de donner une place de choix à la musique tous les lundis soirs. Les Bâtards à 19h30 avec Nicolas Dumont et François Simard. Réaction psychotique à 21h avec Tania Bélacasse et Jean-Sébastien Grondin. Prescription punk rock à 22h30 avec Éric Bédard.